Impact in 5 seconds. 4, 3, 2. Are you ready? Mon freestyle pèse en culot, trop loin pour reculer. Trop d'années passées dans le rap, trop pour me faire enculer. Pour ça, je lâche des rimes en roro, je t'écrase mes points en kilo. Testé quand y'a son micro, mais dis-moi qui c'est kilo. Je me faire ma place dans ce biz, pour que les tasses viennent me faire la bise. Mon flow glacial comme la brise, te fiche comme mon Mr. Freeze. Je recherche personne pourra me tendre sa perche, faire un paquet de pognon sans passer par la calèche. Coriace. Yeah. Hey. Yeah. Dans mon rêve, je taffe. Homme sérieux, le laf, plein de billets. Jamais de problème, tel un sanar. J'suis pas à crier, j'ai deux gosses, garçon, fille et une meuf stylée. Qui chérit jusqu'au rêve et paf, éparpillé. Bref, short de mon rêve, chômage, grève en faction. Qui crève les rêves, hommage, ma seule satisfaction. Cramer à terre, boire de bière et faire de mauvaises actions. C'est la demeure, cousin, malgré ça, j'malgré sillon. Zalzasta. Faut arrêter les mecs zélés, faut pas qu'ils finissent trop de fêlés. Épeler mon pseudonyme, S-A-U-Z-E-C-L-E. Rime de dingue à déceler, flou qui fait que t'harceler. Bâtard c'est là, je patche là, j'continue à exceller et fixer les règles pour qu'on me dise en tweet c'est excellent. Mal assisti pour que tu comprennes, ouais c'est vrai excellent. Vitri vilier, vérifie, mettre le stylier. Face par milliers, tout ce qu'il faut pour t'humilier. Azesso, la rime anti-perso. Maintenant je veux que mon drapeau flotte. Tu connais le slogan, brise tes côtes si tu veux boycott. C'est pas une anecdote. Un tube d'éteco qui fait une semaine et qu'on jette aux chiottes. La concurrence, la crains pas, je respecte, c'est tout. La grosse tête, j'ai pas avance avec la patience pour un tout. 99, Nesbill joue son va-tout. Dissidence à contre-sens, un son qui passe partout. Nesbill, l'impossible. Ambiance toxique comme la malaria. Approche le cendrillon. Sur mon magma, trop de cendria. Et autour de lui, plus de cendrillon. Serre la sangria. Faut que les verres soient dosés. Comme l'instant, on donne nos yeux diabolisés. Il s'embrouilla. On est tous autant grillés. Vois nos talents briller. Ce jour est inscrit en majuscule sur ton calendrier. MC Solène, c'est moi l'alcoolique. Le mec que tu vois chaque jour au même endroit en stationnement hydraulique. T'imagines pas que j'ai un rhume si tu vois que je tousse. J'suis pas tuberculeux, mais seulement amateur de drogue douce. Eclipse, vous, Junkie Star. Yeah. Tout comme mon point d'église. Quand on se fonce des en loose day, on fonce des là dans le képi auto qui annonce des voyous qui smoke le caillou, draw 12 day. Les gonzes des villes déclenchent les briques, on vit de manger là. Nous c'est la même mais notre crème, c'est la fonce des. Un gros spliff, bon chill, kiff sur le moment et clown tinif. Rebelote, mais calme-moi, ça rend plus fonce des. Zalzasta. Mais à fond, car je veux des scènes à disposition. Percer le plafond, que tout le monde kisse ma composition. Infiltration dans le show business, c'est mon intention. Mec c'est chaud pour tes fesses, donc y prête attention. T'es prêt attention, je tire une taffe et crash l'incantation. Prends position, pure production, pas d'illusion. Vise la superstar par ambition. J'espère faire ma place pour que je fasse rentrer le pognon. Coriace. Ladies and gentlemen, for our next flight. La 6 secteur. J'ai pas un style de merde, dégueulasse comme des brocolis. Juste de quoi vous faire tes sauts camouflés dans un grand colis. En gros j'ai le matos, ouais tu sais que j'ai matériel. De quoi éliminer tous les MC caractériels. On se matérialise, et donc de suite tu réalises que t'as pas le niveau qu'il faut, donc t'idéalises. Mon style trop balèze, et comme mes clips j'suis à l'aise. Et dans le rap, je fais de la maille car j'suis raide comme une falaise. Ouais Zesso, balance la rime anti-perso. Mais quand je viens pour tout faire tes os hein. Ici on vient en braquant, on n'avise pas, on vise, on tire dans le tas comme des tyrans. Puis en tirant, disant putain la foule qu'on a attiré. Attiré, on est tous tirés par le butin. Faut te retirer avant que j'en bute un. J'tire à vuler, face perdue, trop j'te chouré. Dire que je m'en tire bien, c'est ta cage bras. Tout le monde lève les bras, mon quota n'est pas pris en compta dans ce couplet, c'est compta. Vu que j'ai la côté, tous les atouts de mon côté. J'suis plus à un coup près pour remplir mon contrat. Check mon couplet, mon complot, donc les complotes. Mon dos est derrière, complote pour pas qu'on soit au complet. J'compte mentir et content, quand dans un content. Content mon blé, sans me faire contrer. J'règle mes contents, fuite de face, ça sent la rime à planer. T'attends pas à m'attendrir, j'ai plus le temps, faut fuir, j'allume le briquet.